vie de Sainte Rita, par Mademoiselle Ferland, Québec, 1910. Deuxième partie, Rita dans le cloître. Chapitre 1er, son entrée miraculeuse, son noviciat, sa profession, sa charité, ses autres vertus. Toutes les pensées de Rita étaient au ciel, c'est ce qui lui faisait rechercher la vie parfaite, comme la voie la plus sûre et qui la réunirait à Jésus. Le monde, lui, s'occupait de choses bien différentes. L'Italie continuait d'être le jouet des factions tyranniques des guelfes et des gibelins. Le gouvernement de l'Église était violemment attaqué par l'antipape Pietro di Luna, Benoît XIII, dont l'ordination ne fut vaincue ni par le concile de Pise, ni par celui de Constance. Il semble que le cloître fut le seul refuge des bonnes mœurs. Mais combien les désirs de Rita pour la vie claustrale semblaient futiles après les rebuts qu'elle avait subis. Plus ses désirs étaient frustrés, plus ardente se faisait sa prière. Aussi mérita-t-elle, par une oraison constante, la faveur qu'elle convoitait. Quelques historiens racontent ainsi son entrée miraculeuse dans le cloître. Une nuit qu'elle priait et pleurait, les bras levés vers le ciel, une voix prononce son nom pendant qu'elle entend frapper à sa porte. La veuve solitaire tressaille, se trouble, mais, courageuse, parce qu'elle réclame l'assistance divine, elle regarde et ne voit ni n'entend rien. Elle continue sa prière, mais le même appel retentit. Sa frayeur redouble. Partagée entre le doute et la crainte, elle supplie le Seigneur de l'éclairer. Jésus, plein d'amour pour sa servante, la ravit en extase et l'entend distinctement la voix de l'époux des cantiques. « Lève-toi ma bien-aimée, viens, il est temps d'entrer dans le cloître d'où tu as été excluse jusqu'ici. » Transportée, elle sort de sa maison et reconnaît Saint Jean-Baptiste dans le personnage vénérable qui l'invite à le suivre. Tout émue, elle se jette sur les pas de son céleste guide, accompagnée maintenant de Saint Augustin et de Saint Nicolas. La maison qu'elle quitte est bâtie au fond d'un ravin, des rochers entassés fermes tout issus. Il était presque impossible d'y grimper. Pourtant ses cinq compagnons, laissant le chemin ordinaire, la conduisent par cette voie rocailleuse jusqu'au sommet appelé aujourd'hui le Roc de la Sainte. Si l'ascension est difficile, la descente du côté de Cassia ne l'est pas moins et on croit qu'ils furent transportés dans les airs jusqu'au couvent. Tous les historiens qualifient cet événement de miraculeux. Les compagnons de Rita sont disparus et elle se trouve seule dans l'enceinte sacrée, les portes ouvertes par une main invisible. Les religieuses, se levant pour chanter les gloires de Dieu, trouvèrent toute tremblante et abîmée dans ses pensées, l'humble veuf qu'elles avaient plusieurs fois rejetée. Celle-ci interrogée, raconte modestement les événements de la nuit, elle supplie de la garder sous ce toit béni. Sans retard, les religieuses admettent parmi elles comme novices, celle que Dieu leur envoie, elles la revêtent de l'habit de pénitence et entonnent le cantique de la reconnaissance, chanté avec une joie sans borne par Rita qui s'humilie, se comptant indigne de tant de faveurs. Elle avait alors 32 ans. Mariée à 13 ans après 18 ans et demi de vie conjugale, elle n'était restée qu'un an dans le monde après la mort de son mari. Dès sa première jeunesse, Rita avait aspiré à une vie solitaire. Conduite au couvent par la main du Tout-Puissant, elle n'a plus de raison de désirer les déserts du Jourdain ou les forêts de Cassia. Elle n'a pas à changer ses habitudes de noviciat. Quand elle enlève sa robe de séculière pour endosser le costume religieux, elle n'a qu'à continuer à vivre comme elle a vécu jusqu'alors, pour atteindre le sommet de la perfection. Si vous voulez être parfait, allez, distribuez vos biens aux pauvres et suivez-moi. Rita a vécu détachée des biens terrestres, cependant elle se hâte de donner aux pauvres sa mince fortune, ainsi dénuée de tout, elle se glorifie d'être l'esclave du roi des rois. Ses compagnes du noviciat sont étonnées d'abord, puis confuses, de ce qu'elle observe en elle, et dès lors, elle la considère comme un modèle de la plus haute vertu. Pauvreté, chasteté, obéissance n'ont rien qui puisse l'alarmer. Toujours, elle a vécu pauvrement. Son corps, elle l'a sans cesse crucifié. Elle a obéi à ses parents d'abord, puis un cruel époux. Elle s'exerce chaque jour à une parfaite conformité avec la sainte règle qu'elle a voulu s'imposer. Dans la ferveur la plus sublime, elle se prépare à s'unir plus étroitement à son Dieu, le jour de sa nouvelle naissance, par le sacrifice complet de toute volonté propre, de tout plaisir des sens et de toute propriété. Sans la charité, vous n'êtes qu'un airain sonnant et une cymbale retentissante. Rita n'a aucune hésitation en plaçant sa main sur le livre de la règle de saint Augustin. Loi sévère pour les mondains, loi d'amour pour ceux que la charité embrase. La première preuve de l'amour c'est le sacrifice. Rita obéit parfaitement, joyeusement avec promptitude, cherchant à deviner les ordres. Si léger paraissait le poids de ce fardeau, qu'elle se chargeait volontiers de plusieurs emplois de surérogation, toujours la première levée à minuit, la première à la prière, au cœur, aux œuvres de miséricorde, aux exercices de mortification, au travail, quelque vulgaire qu'il pût être. Le mobile de toutes ses actions est le service parfait de Jésus agonisant qu'elle a choisi pour époux. L'amour de Dieu produit la crainte de l'offenser, et en Rita cette crainte était si grande, que même le nom du péché lui faisait horreur. Pour l'éviter, elle s'impose un silence rigoureux. Selon saint Jacques, apôtre, celui qui ne pêche pas par la langue est un homme parfait. Elle se retire dans sa cellule, dans la compagnie du crucifié, comme la colombe dans le creux du rocher ou dans les fentes d'un mur. Elle n'en sort que pour chercher la nourriture de son âme dans la divine Eucharistie et pour visiter Jésus dans la personne des pauvres et des malades. On dit qu'elle gardait généralement une petite pierre dans sa bouche pour se rappeler la loi du silence qu'elle s'était imposée. Si elle parlait, c'était par nécessité ou politesse, et ses paroles toutes charitables, glorifiaient Dieu et édifiaient le prochain. Pour plusieurs saints, le don de Dieu consiste en une abondance de paroles qui touchent les cœurs. Mais en Rita, c'est une onction toute suave dont elle use pour rassurer les âmes douteuses, pour réconforter les faibles, consoler les affligés et ramener les égarés dans le chemin du salut. Un jour elle apprend qu'un couple de la ville vit depuis longtemps dans le concubinage et cause un scandale public. Elle pleure d'abord sur les péchés de ces malheureux, crie miséricorde et essaie de les convertir. Elle les mande séparément auprès d'elle, et seule avec l'un ou l'autre, elle s'insinue dans leur confiance et les amène à reconnaître l'état de damnation dans lequel ils vivent. Elle éprouve enfin l'extrême consolation de les voir pleurer leur désordre passé et en faire pénitence. Toutes les souffrances excitent sa compassion, mais les maux de l'âme l'affligent surtout et elle n'est satisfaite que lorsque Dieu lui a permis d'y apporter remède par ses bons offices, ses prières ou ses austérités. Pendant ses 40 ans de vie religieuse, toutes les malades de la communauté eurent ses prédilections. Elles rendirent le dernier soupir entre ses bras bénis, reposèrent sur son cœur si tendre. Sa charité pour le prochain et son extraordinaire humilité la condamnèrent durant plusieurs années à une séparation totale de ses sœurs bien-aimées. La mauvaise odeur qu'exhalait une plaie frontale dont elle était affligée, rendait désagréable sa présence parmi elles. Elle s'aperçut alors qu'elle était devenue un embarras pour la communauté et, sans aucune amertume, elle vécut, dans sa cellule comme une exilée, jusqu'à ce qu'elle reconnût qu'elle n'était plus une cause d'incommodité pour ses voisines, ni d'offense envers Dieu. Elle se réjouit même de son humiliation et l'unit à celle de Jésus en croix. Toutes les vertus morales resplendissent dans Sainte Rita, mais surtout la prudence. Le démon essaie par d'habiles suggestions de ternir la pureté de son âme. Mais prémuni contre les séductions de la jeunesse comme elle l'avait été, il est facile d'imaginer que les assauts du tentateur, quelque forts et continus qu'ils fussent, ne servaient qu'à ménager à la servante de Dieu une nouvelle victoire. Vaincu à l'intérieur, Satan imagine de l'effrayer par d'horribles fantômes, mais le signe de la croix le met en fuite. La force d'âme de Rita paraît invincible. Dans les divers lieux qu'elle habita, elle en a donné des preuves, mais nulle part une aussi grande que celle de sa réquestration volontaire dans sa cellule, pour ménager les susceptibilités de sa famille religieuse. Elle se reconnaît alors la moindre d'entre ses sœurs, indigne de vivre dans la compagnie des vierges consacrées au Seigneur. Elle avait horreur des louanges, si suppliait-elle Dieu de permettre que les autres religieuses n'eussent pas conscience du travail de la grâce divine dans son âme, quand elle ressentait ses ardeurs spirituelles et ses lumières extraordinaires qui précédaient ses extases. Plus elle s'humiliait, plus Dieu la regardait avec complaisance, plus elle s'abîmait dans sa bassesse, plus élevée paraissait sa sainteté. Chapitre 2. L'observation de ses vœux, sa pénitence, son esprit de prière. Deux amours se partagent le monde, l'un est l'âme de toutes les vertus, c'est la charité, l'autre est le motif de tous les vices, c'est la concupiscence. Les meilleures armes pour combattre cette dernière sont l'obéissance et la pauvreté. Toutes les actions de Rita sont des actes d'obéissance, ou plutôt sa vie entière ne fut qu'un acte ininterrompu de la plus humble, de la plus vraie et de la plus parfaite obéissance. Elle sait la vérité dévoilée à Samuel. Le sacrifice complet de la volonté est plus agréable à Dieu que celui des victimes. Son modèle est Jésus, obéissant à son Père céleste, à sa Mère immaculée, à ses prêtres. La volonté de ses supérieurs est celle de Dieu et elle remplit humblement, mais fidèlement, les différentes charges qu'on lui confie. Une vertu si rare méritait d'être mise à l'épreuve. La prieure, qui avait observé son grand esprit d'obéissance, lui ordonna d'arroser tous les jours un arbre sec, dans le jardin du couvent. Rita ne fait aucune observation à un ordre aussi étrange, ne dit pas qu'il dépasse la mesure de l'obéissance due à la règle, que ce serait du temps perdu. Elle est convaincue que le temps passé dans l'obéissance est bien employé. Elle arrosa donc l'arbre mort durant plusieurs saisons. Mais, au prodige, l'arbre reverdit et porta des fleurs et des fruits. On l'a appelé l'arbre de la Sainte. Dieu, qui avait eu pour agréable son humble obéissance, avait fait ce miracle. L'intérêt personnel, passion si tenace au cœur humain, se changea chez Rita en un amour généreux pour la pauvreté évangélique. Dans la maison de son père, déjà, elle est affamée de la sainte pauvreté. Dans le mariage, elle fuit le luxe, se dépouille de ses vêtements mêmes au profit des pauvres, à qui elle laisse tout ce qu'elle possède. Après ses vœux de religion, son esprit de pauvreté s'accroît, en raison de sa ferveur. Au monastère, tout prêche la gêne, l'humilité, et il semble qu'elle dût être satisfaite de l'observance ordinaire qui accomplissait son vœu. Mais les saints ne sont jamais contents s'ils ne dépassent le but des mortels ordinaires et s'ils n'atteignent le point héroïque de la vertu. Sans se singulariser en rien, elle poussa les rigueurs de la pénitence beaucoup plus loin que ne l'ordonnait la règle. On s'étonne de la petite quantité de nourriture grossière suffisant à conserver sa vie. Elle n'a qu'un habit qu'elle porte depuis son entrée au cloître jusqu'à sa mort, plus de 40 ans. Sa cellule, si petite, à peine éclairée, dans un coin du dortoir, n'a qu'un lit plus propre à la souffrance qu'au repos. C'est là que Rita jouit de l'abondance des faveurs divines, pendant qu'elle pleure sur la nudité du divin maître. Les momiens étaient cause de tant de contestations dans les familles, dans les royaumes, et qui divisent surtout les cœurs, lui sont étrangers. Voici un fait illustrant son détachement. Dans son pèlerinage à Rome, avec quelques-unes de ses sœurs, elle jette à l'eau l'argent qu'elle a reçu pour défrayer ses dépenses. Ses compagnes la blâment et la qualifient d'imprudente. Rita, pleine de confiance en Dieu, les assure qu'elles n'auront besoin de rien pendant la durée du voyage. Et il arriva ainsi. La troisième passion consiste dans les plaisirs sensuels et c'est contre elle que Rita eut le plus à combattre. Cette sainte femme avait, dès ses jeunes ans, pris l'habitude de surveiller ses pensées et ses sens, voulant garder intacte sa candeur et sa virginité. Pour cela, elle pratiqua la modestie la plus exemplaire, évitant de tout son pouvoir, même dans l'état du mariage, tout discours ou compagnie pouvant être un aiguillon pour la chair. Elle ne fut pourtant point exempte de tentation et pour vaincre, elle eut recours à une vie extrêmement mortifiée. Dans les plus rudes assauts d'une tentation impure, elle alla jusqu'à se brûler une main ou un pied, se préservant d'un grand mal, par un moindre, afin de se conserver agréable aux yeux de son céleste époux. Par amour pour cette vertu angélique, elle évita de voir et d'être vue. Elle usa même de cette sauvegarde avec ses proches. Cette circonspection peut paraître exagérée aux gens du monde, mais chacun reçoit de Dieu sa part des tribulations de la vie, et les moyens d'arriver à une extraordinaire sainteté ne doivent pas être ordinaires. Quelque dure et repoussante que puisse paraître la mortification, elle est une sœur de l'amour. C'est elle qui donne la force de mettre un frein aux appétits charnels, toujours en rébellion contre l'amour incréé. Rien d'étonnant alors que Rita qui brûlait de la flamme du divin amour et qui avait la plus grande horreur du péché, put porter ses austérités jusqu'à l'héroïsme. Toute sa vie ne fut qu'un long exercice de pénitence. Elle n'admet aucun prétexte pour alléger le jeûne ou en être dispensée. Elle sait qu'on ne trompe pas Dieu et que se tromper soi-même est une cruelle folie. Chaque année elle jeûne le carême entier, elle observe les vigiles de toutes les fêtes d'obligation, de celles de la Sainte Vierge et des protecteurs de son ordre. Elle ne prend de la nourriture qu'une fois le jour et l'assaisonne souvent d'absinthe, de cendre ou de ses larmes. Petite cellule que l'on vénère, de combien de disciplines n'as-tu pas été témoin? Après un court repos, elle se levait à minuit pour commencer sur son corps les tortures qu'elle s'infligeait pour le repos des âmes du purgatoire. Le fouet dont elle se servait était garni de points de ferret, la charité armant son bras. Elle ne cessait ses coups que lorsque son corps était tout ensanglanté. Elle portait jour et nuit sur la peau un cilice de grain, à l'intérieur duquel elle avait fixé des épines. Chacun de ces mouvements ouvrait les plaies que le fouet avait faites. Au milieu de tant de souffrances, Rita était heureuse d'avoir quelque ressemblance avec Jésus flagellé et couronné d'épines. Plus le corps de Rita est courbé sous le fait des souffrances, plus son esprit s'élève au-dessus de la terre pour se plonger dans les sublimes profondeurs de l'éternité et y goûter d'ineffables délices. Prier est un besoin si pressant de son cœur embrasé qu'elle ne peut interrompre cet exercice sans en ressentir de la peine. Dès son enfance, elle avait reçu ce don de la prière. Plus tard, prier sera sa sauvegarde dans sa vie d'épouse et de mère. Elle prie le jour, elle prie la nuit surtout. Les heures de minuit à l'aurore sont les plus heureuses et les plus favorables durant lesquelles elle traite seule avec son Dieu cloué à la croix. Un côté de sa cellule lui représentait le calvaire où le Christ se dirige portant sa croix. Sa méditation le suit pas à pas, recueille les gouttes de son sang répandu partout et s'abîme dans une explosion de sanglots au crucifiement. Si grande était sa ferveur qu'elle était souvent ravie en extase, toute vie d'essence semblait éteinte. Un jour notamment les religieuses la crurent morte. Sa réputation de sainteté franchit les murs de son monastère, il se vit entouré d'une multitude de gens réclamant le secours de ses prières. Une femme tourmentée par le démon pendant plusieurs années, en fut délivrée par le secours des prières de Saint Rita. Une mère, amenant sa fillette malade, eut la consolation de la ramener guérie. Tout pouvoir semblait lui être donné sur le démon qui essayait de l'effrayer par d'horribles apparitions. Le don de sagesse et d'intelligence la faisait raisonner sur les perfections de Dieu et discuter les mystères les plus obscurs de la foi avec une science trop subtile pour avoir été acquise par l'étude. Ainsi Dieu cache ses secrets aux sages de ce monde et les révèle à son humble servante, ignorante aux yeux des hommes. Chapitre 3 : Blessure au front. Faite par une épine de la couronne de Jésus, son voyage à Rome, sa dernière maladie, sa mort. Depuis 30 ans Rita était religieuse. Elle avait 62 ans lorsqu'en 1443, il plut à Dieu de la distinguer d'une manière singulière, comme il l'avait fait pour son séraphique serviteur François. La clôture était moins rigoureuse alors qu'aujourd'hui, et Rita, quoique religieuse cloîtrée, put aller entendre les accents pénétrants de Saint Jacques prêchant sur la passion du Sauveur. Elle les écouta avec cette pureté d'intention qui rejette toute curiosité et ne cherche que la gloire de Dieu et le salut de son âme. Que dire des sentiments qui agitaient son cœur lorsque, suspendu, pour ainsi dire aux lèvres du missionnaire, elle ne pouvait retenir ses larmes. Elle les répandit à profusion de retour dans sa cellule, aux pieds de Jésus crucifié. Prosternée, blessée intérieurement de la plus grande compassion pour notre Sauveur couronné d'épines, elle pria de permettre que, puisqu'elle lui appartenait tout entière, il lui fît goûter, dans sa chair, le calice de ses amertumes. Soudain l'une des épines de la couronne du divin crucifié se détacha et la blessa sur le côté gauche du front, pénétra jusqu'à l'os, lui causant une douleur excessive. Elle défaillit et il lui sembla que seul un miracle la laissait survivre à une telle douleur. Cette blessure s'agrandit avec le temps, s'envenima, les vers même s'y mirent, et pendant près de 15 ans, fut visible. Les vers et l'odeur repoussante qui s'en dégageaient accroissaient les souffrances physiques sans doute, mais elle souffrait surtout moralement, se voyant devenue un objet de dégoût même pour ses sœurs en religion. Lorsqu'on la questionnait sur les vers qui tombaient de son front, Elle les nommait mes petits anges et se réjouissait d'avoir cette ressemblance avec notre Seigneur, qui fut comparé à un lépreux et réduit aux derniers outrages. Elle savait que Dieu n'est pas offensé de la difformité ni de la laideur du corps de ses créatures et elle considérait cette affliction comme le gage d'une grande récompense au ciel. Si la vie de Rita, avant qu'elle fût stigmatisée au front par l'épine, était une vie cachée, que dire de celle qui suivit sa blessure? Du fond du tombeau où elle s'ensevelit, s'élevait sans cesse d'ardentes supplications pour le triomphe de la Sainte Église. Le schisme des antipapes se termina sous Félix V et les pénitences et les larmes de Rita y contribuèrent dans une large mesure. Son successeur, Nicolas V, put alors proclamer un jubilé solennel d'action de grâce et ouvrir le trésor des indulgences aux fidèles. Tous les catholiques désiraient aller à Rome, et Rita, qui fuyait même la lumière du jour, osa quitter sa cellule pour se jeter aux pieds de la supérieure et implorer la faveur de ce pèlerinage. Celle-ci ne crut pas devoir accéder à la demande, à cause de la blessure et des inconvénients qu'elle aurait à souffrir elle-même et de ceux qu'elle occasionnerait au public. On la renvoya donc, lui disant de songer plutôt à guérir sa plaie qu'à faire ce voyage. La condition imposée fut bientôt remplie, car Rita, poussée par l'inspiration du Saint-Esprit, adressa de ferventes prières à son doux Seigneur, le suppliant de la faire guérir. Accoutumée d'être exaucée, elle ne douta point du succès, mais pour voiler le prodige elle enduisit sa plaie d'onguent. La supérieure constatant la guérison soudaine et miraculeuse, accorda joyeusement la permission. Rita partit à pied avec les autres religieuses, malgré ses 69 ans et les intempéries de la saison. À son arrivée, laissant de côté les monuments dont Rome s'enorgueillit à bon droit, elle visita les corps des saints martyrs, baisa leurs reliques, vénéra la confession de saint Pierre et saint Paul et gagna beaucoup d'indulgence. La pureté de son austère vie la dispensait, semble-t-il, d'avoir recours à des moyens si extraordinaires de sanctification, mais l'humilité de la servante de Dieu lui fit trouver des trésors dont son âme pourtant si agréable à Dieu, s'embellit encore. Impatiente d'être délivrée du fracas des ruées de la foule, elle repartit, confiante en la divine providence. Après 4 ou 5 jours de marche, elle revit sa chère cellule, mais la plaie de son front se rouvrit et elle en souffrit jusqu'à sa mort. Preuve évidente que le Seigneur n'avait exaucé ses prières que pour lui rendre possible le pèlerinage de Rome. Un cœur pur est toujours puissant sur celui de Dieu qui se plaît à satisfaire ses moindres désirs. Rita vécut encore 7 ans après son pèlerinage à Rome. Rien de notable ne se passa durant les 3 premières années après son retour, mais à 72 ans et dans la 40e année de sa vie religieuse, elle fut atteinte d'une maladie qui l'emporta après 4 ans de torture. À part sa plaie frontale, ces historiens n'ont parlé d'aucune autre maladie et c'est une preuve que les mortifications, même continuelles, contrairement à l'opinion du monde, ne sont pas opposées à la santé du corps et n'abrègent point la vie. Dieu, qui voulait la perfection de son ouvrage, ne considéra pas tout ce qu'elle avait souffert durant sa pénible existence. Il l'affligea par une longue maladie, afin de l'élever à un plus haut degré de gloire. Une fièvre dévorante la consumait. Au tourment de son front ulcéré, se joignit celui d'être confiné jour et nuit sur sa dure couchette. Pourtant sa résignation et sa sérénité faisaient l'admiration des sœurs qui la soignaient. On ne peut imaginer combien l'idée d'être inutile à la communauté était pénible à son cœur, Combien de fois ne supplia-t-elle ses gardes de lui pardonner l'ennui qu'elle leur causait par la suppuration de sa plaie? Mais ce qui pesait surtout lourdement sur son cœur, c'était de ne pas pouvoir se présenter elle-même au pied des autels et de recevoir, étendue sur sa misérable paillasse, la visite de son Dieu dans la Sainte Communion. Pénétrée de respect pour la majesté de Dieu et de mépris pour sa paillasse, elle suppléait, par ses ardents désirs et l'intensité de son amour, à l'adoration extérieure que la faiblesse de son corps rendait impossible. Ses sœurs en religion se demandaient souvent ce qui pouvait lui conserver la vie. Ce n'était pas assurément la petite quantité de nourriture qu'elle absorbait. On est sûr qu'elle ne vivait que de la Sainte Communion. Une réponse de Rita à sa garde malade, qui la sollicitait d'avaler quelque aliment, confirme leur opinion. « Mon âme, disait-elle, attachée aux plaies sacrées de Jésus, est nourrie d'un autre aliment. » Plusieurs faits miraculeux confirmèrent sa sainteté et la firent connaître davantage. Une parente, veuve de Rocaporena, la visita et après l'avoir réconfortée, lui demanda si elle désirait quelque chose. « Oui, répondit Rita, puisque vous êtes si charitable, allez dans mon jardin de Rocaporena aussitôt que vous le pourrez, cueillez une rose et apportez-la moi. » C'était au mois de janvier, époque des grands froids, surtout dans cette vallée glacée où le soleil se lève tard et disparaît si tôt. À cette requête étrange, la femme pensa que la gravité de la maladie troublait l'esprit de sa chère parente. Elle alla pourtant au jardin, soit par curiosité ou inspiration de Dieu, elle aperçut, majestueuse parmi le givre des branches dénudées, une magnifique rose rouge. Partagée entre l'étonnement et l'admiration, elle cueillit la fleur et retourna sans délai à Cassia. Sainte Rita la prit comme venant de la main de son céleste époux et toute joyeuse, la présenta à ses gardes. Celles-ci, muettes de surprise, louèrent Dieu et admirèrent sa bonté. Peu de temps après, la même personne offrit ses services en une autre occasion et Rita demanda qu'elle lui apportât deux figues qui se trouvaient dans le même jardin. Cette fois, la parente n'hésitait plus, elle courut vers l'endroit désigné et aperçut, sur un arbre dépouillé, deux figues mûres qu'elle cueillit joyeusement et apporta à la malade. À la vue de ce nouveau bienfait du Seigneur, Rita pria ses sœurs de l'aider à le bénir dignement. Le bruit de ses merveilles se répandit dans toute la contrée et sa réputation de sainteté s'accrut encore. Chaque jour, de nouvelles marques de vénération étaient prodiguées à la mourante, objet des complaisances du Sauveur. Pourtant, elle soupirait ardemment après la possession de son bien-aimé et la faiblesse croissant. Elle demanda à son Dieu de briser les liens de son âme et de la laisser s'envoler vers lui. Jésus lui apparut alors avec la Vierge Marie, la rassura et lui annonça qu'avant 3 jours, elle jouirait de sa chère présence. La vision disparut, mais la joie qui inondait l'âme de Rita se lisait sur ses traits amaigris, joie débordante qui affligeait ses sœurs. Ces dernières pleuraient profondément remuées par la tranquillité de la mourante et par tout le surnaturel observé autour d'elles. Elles apprécièrent alors doublement le trésor qu'elles allaient perdre. La sainte mourante se tourna vers elles, les supplia de lui pardonner tous ses torts et implora la bénédiction de la supérieure. Rita bénit ensuite ses compagnes qui l'en priaient, les assura de son souvenir au ciel et ne s'occupa plus que de l'éternité. Elle ne négligea aucun des moyens que fournit la Sainte Église pour se préparer au grand voyage. Elle exprima le désir de recevoir le Saint Viatique et l'extrême onction. qui connaîtra jamais les ardeurs de ce dernier baiser de son céleste époux avant la béatitude éternelle. Tournant les yeux vers le tabernacle, elle expira et son âme divinisée vit enfin celui qu'elle avait aimé jusqu'à l'héroïsme et pour qui elle avait souffert tant de tourments. Sa mort arriva sous le pontificat de Calixte III en l'année 1457, durant la nuit du samedi 22 mai, jour et mois consacrés tous deux à la Vierge, sa mère. Elle avait 76 ans, dont 44 passés dans la vie religieuse. Mark M. Dan, archive.org, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.